Le gardien de nuit. Une enquête de l'inspecteur Gray par Alfred Gragnon. L'arrestation du gardien de nuit Bornier avait, dès le surlendemain du crime, dépouillé l'affaire Renard de son apparence énigmatique et l'intérêt du public s'en était aussitôt détaché. Tout avait paru se réduire à la banalité d'un gros fait divers. Dans la nuit du lundi au mardi, Bornier, faisant sa ronde habituelle vers 2 heures du matin, avait, en pénétrant à l'entresol dans le bureau directorial de la banque Renard et compagnie, trouvé son patron assassiné. Il avait aussitôt appelé téléphoniquement la police. Il était résulté des premières constatations et de l'enquête subséquente que le banquier avait été tué vers 11 heures du soir environ d'une unique balle de revolver ayant pénétré dans le dos et atteint le cœur. Il avait dû être surpris au moment où il venait ouvrir lui-même son coffre personnel. En effet, le corps avait été retrouvé devant ce coffre béant et nulle trace d'effraction ni d'empreinte étrangère n'avait été relevée sur le meuble. Cependant, tout le contenu en titre et numéraire ayant disparu, le vol s'affirmait comme mobile du crime. Enfin, la police judiciaire, ayant acquis la certitude que nul n'avait pu entrer dans la banque ou en sortir pendant la nuit tragique, ni arriver jusqu'à la victime en dehors du gardien, celui-ci avait été arrêté. Il se défendait toutefois avec véhémence de toute participation au meurtre, et si de nombreuses présomptions semblaient l'accabler, aucun commencement de preuve formelle ne pouvait être retenu contre lui. Il ne suffit pas toujours de dire « cet homme est coupable » parce que nous ne connaissons pas d'autres coupables possibles pour solidement étayer un réquisitoire. C'est dans cette occurrence, et pour découvrir des éléments actifs d'accusation que l'inspecteur principal Poussin et son jeune et réputé collègue Gray se trouvaient tous deux au lendemain de l'incarcération du gardien Bornier, dans le bureau même où le crime avait été commis. Il était environ 2 heures de l'après-midi, et l'inspecteur principal, accablé par la chaleur, doucement affalé dans un des larges fauteuils de cuir, fixait d'un œil goguenard son collègue Gray, qui perché sur un coin de table semblait plongé dans un océan de réflexion. Poussin eut tout à coup un petit rire sarcastique et prononça sur un ton d'indulgente protection « Cette fois, mon petit Gray, croyez-moi, c'est moi qui suis dans le vrai. » Gray, à son tour, laissa couler sur son collègue, épais luisant de sueur, un de ces regards lents et ironiques que l'autre haïssait et craignait à la fois pour ce qu'ils étaient à l'ordinaire annonciateurs de quelque proche désagrément. « Non. » Laissa tomber simplement Gray. « Alors, à votre avis, j'ai eu tort de faire arrêter Bornier ?»« Oui. »« Voyons, peut-on, oui ou non, entrer dans cette banque ou en sortir sans passer par la porte qui, au rez-de-chaussée, donne de la rue dans le hall, ou, si vous le préférez, du hall dans la rue ?»« Non. » consentit Gray. « Bien. Y a-t-il, oui ou non, soit en bas, soit ici, à l'entresol, une issue quelconque ou une fenêtre qui ne soit munie de solides barreaux ?» et dont les scellements ou les fers ne soient pas intacts. « Non, » répéta volontiers Gray. « Et oui ou non, l'assassin, pour atteindre ce bureau-ci, n'a-t-il pas été obligé d'entrer dans la banque par la porte du hall, de traverser ce hall, de monter l'escalier qui conduit à cet entresol, et d'arriver enfin à la porte que voici par le petit vestibule d'attente qui le précède ?»« Il a pu faire ce chemin dans le courant de la journée et se cacher jusqu'à l'heure du crime. Je veux bien l'admettre. » bien que pour 100 raisons ce soit improbable. En tout cas, le crime commis, il a bien fallu qu'il sorte de la banque, votre assassin, puisqu'on n'y a trouvé que Bornier, et que vous entêtez à croire que cet individu est innocent. Alors, pour sortir, n'a-t-il pas dû faire le même chemin, en sens inverse, et notamment traverser le hall ? Or, dans ce hall, Bornier lui-même assure que personne n'a passé. Il lisait, dit-il, je ne sais quel bouquin, et l'éclairage de nuit était suffisant pour lui permettre cette lecture. Je pense qu'il lui aurait également permis d'apercevoir un homme cherchant à s'enfuir, à ouvrir la grille qui double la porte, à ouvrir la porte elle-même. Cette grille, cette porte, dont seuls M. Renard et le gardien de nuit avaient les doubles clés. Alors, votre meurtrier traverse-t-il les murailles comme un fantôme ? Ou passe-t-il à travers les barreaux comme un oiseau des îles en emportant dans son bec plus d'un million de titres et 40 000 francs en beaux billets ? Eh bien, Poussin reprit sur le mode méprisant et sûr de lui, mon pauvre ami, Je peux vous dire comment les choses se sont passées avec autant d'exactitude que si j'avais assisté. Le gardien de nuit apprend que le patron est resté dans son bureau. Il y monte à pas de loup et surveille par le trou de la serrure ce que fait Renard. Au moment où il aperçoit le banquier ouvrant son coffre, lui-même entr'ouvre la porte et tire. Renard tombe. Notre borgnier vide le coffre et, chargé de son butin, redescend 4 à 4. Il sort de la banque et va planquer le produit de son crime dans quelque coin que nous découvrirons un jour. Puis il revient tranquillement ici. Et continue sa lecture dans le hall avec la tranquille certitude qu'il ne peut manquer d'être soupçonné, arrêté et guillotiné. Mais, balbutia Poussin, interloqué par l'interruption de Gray, il faut qu'il soit d'une bêtise rare, ou qu'il ait le goût sadique d'assister à sa propre exécution capitale. Que pouvait-il faire ? Plaça Poussin sarcastique. Oh, il avait encore 9 heures devant lui, et bien assez d'argent pour prendre le large et gagner une frontière. Mais l'idée ne lui en est pas venue, non plus que celle de préparer une défense, de se créer un alibi. Poussin avait un peu perdu pied. Les ironies de Gray le plongeaient toujours dans l'inquiétude et mettaient en désordre ses plus fortes convictions. Un petit homme hépatique et chafouin entra. C'était l'huissier de la direction. Le personnel n'avait d'ailleurs pas quitté son service et les administrateurs de la société avaient confié momentanément la gestion de la banque au sous-directeur qui, sans doute, devait bénir l'assassin d'avoir hâté un avancement probable et lucratif. « C'est Mademoiselle Renard !» dit l'employé prenant un air d'enterrement. « Quoi, qui, la fille de la victime ?» s'écria brutalement Poussin, heureux de passer sa mauvaise humeur sur des êtres irresponsables et intimidés. « Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Pleurnicher ? Dites-lui que nous avons autre chose à faire que d'écouter ses doléances. » « Non, faites-la entrer, » dit sèchement Gray. Et tandis que l'huissier exécutait l'ordre, l'inspecteur se tournant vers son collègue lui confia. « C'est moi qui fais demander à Mademoiselle Renard de bien vouloir nous retrouver ici. » Poussin haussa les épaules et tourna le dos. « Cependant, cher ami, » poursuivait Gray, « si cet entretien vous ennuie, vous pourrez peut-être passer votre temps à examiner les 2 taches d'encre qui se trouvent auprès du coffre sur le tapis. Fichez-moi la paix. » conclut Poussin. « Les taches d'encre, est-ce que vous vous moquez de moi ?» Mademoiselle Renard pénétrait dans le bureau. À la voir, Gray comprit immédiatement qu'elle était loin d'être l'orpheline géniarde que venait de prévoir son collègue. C'était une jeune fille de 20 à 25 ans, de taille moyenne, au regard clair, au visage assez froid et d'une élégance sobre et distinguée. D'un geste, Gray la fit asseoir. « Mademoiselle, » commença-t-il immédiatement, « je m'excuse de vous avoir dérangé, mais... ayant appris que c'était sur vos instances que votre père avait, il y a à peu près 4 ans, engagé Louis Borgnier comme gardien de nuit, je désirais savoir comment vous avez été amené à intercéder pour cet homme. Monsieur et Madame Borgnier étaient autrefois des amis de ma famille. Des amis, s'étonnait Gray. Oui. Leur fille Suzanne était dans la même institution que moi et pendant plusieurs années, ses parents et les miens se rencontraient plusieurs fois par semaine. Ces relations avaient commencé alors que mon père n'avait pas encore créé la banque. Et qu'il était ingénieur mécanicien à la maison Stern, fournisseur de la marine et de l'aviation en instruments de précision. « Oui, » coupa Gray, la jeune fille poursuivit. « Monsieur Borgnier tenait d'héritage une situation personnelle, sinon aisée, du moins suffisante à ses goûts et lui permettant de se livrer à l'art de la peinture pour laquelle, malheureusement, il montrait plus d'attirance que de talent. Cependant, il y a 5 ans, à peu près au moment où j'ai perdu ma mère, monsieur et madame Borgnier se séparèrent. M. Borgnier venait de perdre en quelques jours tout son avoir dans une spéculation que mon père avait cru devoir lui conseiller et qui se révéla désastreuse. « Tiens, tiens !» murmurait Poussin en se rapprochant. Mademoiselle Renard sembla ne pas avoir entendu et poursuivit d'une voix plus sèche. Madame Borgnier, qui passe pour jolie femme, n'avait pas su résister à la ruine. Assez égoïste, aimant sortir, avide de luxe, elle abandonna son mari et sa fille pour courir derrière des buts que j'ignore. Plus d'un an s'était passé sans que j'eusse entendu parler de mon amie Suzanne Borgnier, ni de son père, lorsqu'un jour, elle vint me voir, m'avoua la détresse de leur existence, m'apprit qu'elle donnait des leçons de piano et que son père cherchait en vain une situation. Le soir même, j'en parlais à mon père. Il fut bien loin de s'intéresser au sort de son ancien ami Borgnier. Tout au contraire, il se lança, à ma grande surprise, dans une longue et violente diatribe contre ce malheureux qu'il traitait de paresseux et d'incapable. Comme j'insistais pour qu'il essayât de trouver dans la banque une situation pour M. Bornier, il m'offrit, sans doute par dérision pour m'en protéger, une place de gardien de nuit qui était libre. Le lendemain même, je revis Suzanne Bornier et lui avouai franchement l'accueil que j'avais reçu de mon père et la ridicule et vaine offre qu'il m'avait assez cruellement faite pour le sien. Elle en fut profondément blessée et je regrettai ma franchise. Cependant, je devais la revoir quelques heures après. Elle m'apprenait que Bornier acceptait la place de gardien de nuit. Quand mon père connut cette acceptation inattendue, il en éprouva une grande colère et parut vouloir revenir sur une promesse qui n'était, il l'avouait, que l'expression de son mépris et de son aversion pour Bornier. Je lui représentai qu'il ne pouvait agir de la sorte et M. Bornier prit son service à la banque dès le surlendemain. Depuis lors, je n'ai jamais revu mon ami et je sais d'autre part que jamais mon père n'adressait la parole à M. Bornier, ni même fait mine de le voir. C'est tout ce que je puis vous dire. M. Renard, depuis lors, vous a-t-il cependant reparlé de Bornier ou de l'ex-madame Bornier? Jamais, monsieur. Mon père savait trop bien que je ne partageais pas ses jugements. J'avais une respectueuse sympathie pour M. Bornier, alors que je considérais son ancienne femme comme méprisable à divers titres. Savez-vous ce qu'est devenue cette femme? Non. Tandis que Poussin tout sautait comme pour demander à son collègue d'écourter l'entretien qui ne leur apprendrait rien de plus, Gray, sans quitter des yeux la jeune fille, semblait réfléchir. « Vous habitez Auteuil, je crois ? » demanda-t-il encore. « Oui, monsieur, le même appartement depuis 20 ans. Il est bien vide maintenant. » « Hélas, évidemment, la mort de monsieur votre père. » Elle interrompit. « Mon père n'habitait plus avec moi depuis 4 ans, monsieur. C'est à peine s'il venait me voir une ou deux fois par mois. » D'autant que je passe la moitié de l'année chez une tante de ma mère en Normandie, en pleine campagne. Où votre père habitait-il donc, à Paris? Je ne lui ai jamais demandé, monsieur. Il n'aimait point d'ailleurs qu'on le questionnât, et il a toujours été assez distant avec moi. Il subvenait à ma vie, payait le loyer, les gages de la femme qui m'a élevé, et me versait une mensualité qui, jointe à ce que ma mère m'a laissé, suffisait à mes besoins d'ailleurs modestes. Si mon père jugeait que sa façon de vivre, ou que son éloignement de moi le rendait plus heureux, je n'avais qu'à m'incliner, et du moment qu'il ne me disait rien sur cette existence personnelle, c'est qu'il entendait, sans doute, que je n'en connusse rien, ni que, même de loin, j'y fusse mêlé. Il était visible qu'elle dissimulait la vérité, mais aussi que rien ne la ferait sortir de sa réserve. L'inspecteur n'insista pas, remercia la jeune fille, et lui rendit sa liberté. Dès que la porte se fut refermée, Poussin exulta. « Eh bien !» Ça devient clair comme du vin d'Anjou. Le nommé Bornier avait de bons motifs pour tuer Renard. Il se vengeait de la ruine dont l'autre était cause, du mépris dans lequel cet autre le tenait et de l'os à ronger qu'il lui avait jeté. Quant au vol, sans doute l'a-t-il considéré comme une simple reprise. Oui, conseillait Gray en allumant une cigarette et paraissant bien loin des déductions de Poussin. Cependant, il était allé jusqu'au coffre devant lequel il examinait avec attention le tapis. Poussin éclata. « Est-ce que vous allez jouer les Sherlock Holmes maintenant? Qu'est-ce que vous avez à regarder ces taches d'encre? Elles ont dû tomber de quelques stylos. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ?» Gray eut un regard bizarre vers Poussin. Il se dirigea vers la porte donnant sur le vestibule, l'ouvrit et prit à l'huissier d'aller chercher le caissier principal. Cet employé ne tarda pas à se présenter. C'était un homme d'une 60aine d'années, à cheveux blancs, assez gros, ayant une allure militaire. « Monsieur, lui demanda Gray, « voulez-vous me répéter pour quelle raison vous estimez que ce coffre contenait, au moment du crime, plus d'1 million de titres et 40 000 francs en numéraire ?»« C'est bien simple, » répondit le vieil employé. « Les titres porteurs qui se trouvaient dans le coffre appartiennent à des administrateurs de la banque qui les y ont déposés il y a 3 ans en garantie d'une opération faite sur les mines sud-américaines. Ils n'appartenaient donc pas à M. Renard. « Oh non, monsieur, nous en avions donné des reçus de dépôt. » C'est d'ailleurs ainsi que je sais la valeur exacte de ces titres. D'ailleurs, ils devaient être rendus aux déposants à la fin du mois. Le capital de garantie ayant été entièrement couvert par les réserves légales et d'autres rentrées. Bien, bien. Et le numéraire? Je l'avais remis vendredi à M. Renard pour M. Garnet, un de ses amis, qui a son compte ici à la banque, mais qui est en vacances dans un château où M. Renard devait le rejoindre bientôt et lui remettre les fonds. M. Renard a bien voulu m'expliquer que M. Garnet lui avait demandé les fonds en espèces et non sur chèque de banque à banque parce qu'il n'y a pas d'établissement de crédit près du château. Oui, c'est bien naturel. Et vous pensez que ces 40 000 francs étaient encore dans le coffre la nuit du crime? Oh, je le pense, monsieur. Le patron les avait mis devant moi qu'il ne les reprendrait qu'au moment où il irait rejoindre M. Garnet. C'est parfait, mais dites-moi, ne détachait-on jamais les coupons des titres pour en créditer leur propriétaire ? Aussi, monsieur, tous les 3 mois. C'est la secrétaire particulière de M. Renard qui était chargée de cette opération. Elle détachait les coupons, les encaissait et en versait le produit réparti à l'actif de chaque déposant. Elle est d'ailleurs au service des coupons. Ah, très bien. Voudriez-vous me l'envoyer ? Certainement, monsieur. Maintenant, Poussin se promenait dans la pièce comme un ours en cage. Mon Dieu, Gray, à quoi sert tout cela ? D'ailleurs, je n'ai jamais rien compris aux affaires de banque. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait 1 million de titres et 40 000 francs de billets et qu'ils n'y seront plus. Tout est là. Il risquait une plaisanterie. C'est-à-dire que rien n'est plus là. Il eut un gros rire. Gray n'avait pas dû comprendre l'humour de ce jeu de mots, car il n'esquissa même pas un sourire et reprit froidement. « Mon cher Poussin, voulez-vous connaître la personne qui a tué Renard ?» Poussin s'était immobilisé bouche bée. « Si vous le voulez, je vais vous donner le moyen de l'apprendre. Vous êtes trop habile, vous avez trop de flair pour ne pas tirer des conclusions exactes, et de ce que vous venez d'entendre et de la rapide enquête que je me permets de vous conseiller de faire. Quelle enquête ? Oh, bien simple. J'ai aperçu dans les papiers de Bornier le nom de jeune fille de son ex-femme. Il est assez curieux pour que je le retienne, Jeanne Anémone. Vous trouverez probablement son adresse à son nom de fleur dans l'annuaire du téléphone. Au cas où elle n'y serait pas, demandez à Mademoiselle Bornier quel était l'avoué de son père. Celui-ci pourra vous donner les indications nécessaires. Et alors ? Alors, allez chez cette femme. Je crois qu'il voyait à peu près tous les jours le meurtrier de M. Renard. Que me chantez-vous là ? Faites comme vous l'entendrez, mais souvenez-vous que je vous aurais donné un bon conseil. Poussin balançait sur ce qu'il devait faire. Il était convaincu qu'en Bornier, il tenait le coupable dont la démarche conseillée par Gray n'apporterait certainement pas le résultat que celui-ci prétendait. Cependant, il n'avait que trop souvent regretté de n'avoir pas écouté les suggestions de son collègue. Il était indiscutable que Gray, à qui il ne reconnaissait ni instinct ni habileté, était cependant un peu sorcier, devinait des choses que nul n'aurait soupçonnées et parvenait par de mystérieux chemins aux plus surprenants résultats. Il murmura quelques paroles inutilement désobligeantes, puis, reprenant son parti en même temps que son inséparable parapluie, il enfonça son archaïque chapeau melon sur sa tête et sortit. Sur le pas de la porte, il croisa une ravissante jeune femme blonde, vêtue de sombre, qui s'apprêtait à entrer. C'était la préposée au service des coupons. Gray questionna sans tarder. « Qu'êtes-vous, mademoiselle, ou plutôt qu'étiez-vous exactement à la banque, employée aux coupons ou secrétaire particulière de M. Renard ?»« Je suis depuis 3 ans chef du service des coupons, monsieur. » Mais M. Renard, qui m'honorait de sa confiance, me demandait souvent depuis quelques mois des services de secrétariat. « Alors dites-moi tout ce que vous savez de la situation de M. Renard. »« Mais je ne sais rien de spécial. » Gray risqua un coup droit. « Il y a combien de temps que vous avez constaté, en en détachant les coupons, que le nombre des titres du coffre diminuait ?» L'employé à cette question se laissa littéralement tomber sur le siège le plus proche. « Eh bien, répondez. » Une crise de larmes semblait devoir uniquement servir de réponse. Gray en attendit patiemment le terme et reprit. « Je crois avoir à peu près tout compris, mais j'entends que vous confirmiez mes déductions et sans rien me dissimuler. » La confession vint assez pénible. « Eh bien, il y a bientôt 1 an, à l'époque où j'avais l'habitude de détacher les coupons, je demandais ici même à M. Renard qu'il veuille bien me confier les titres pour me permettre de procéder à cette opération. Cette fois, il hésita un peu, puis finit par me les remettre, mais en me signalant que ceux qui manquaient avaient été repris par leur propriétaire. Il ajouta que cependant, du fait d'un accord avec ceux-ci, il me donnerait de quoi couvrir sur le compte des déposants la valeur en argent représentant celle des coupons manquants. Je ne sus sans doute pas dissimuler mon étonnement, et M. Renard en marqua une vive contrariété. « Dites-moi tout de suite combien il a acheté votre discrétion. »« Oh, monsieur, je ne suis de celles qu'on achète. »« Vraiment ?»« Et vous avez continué à faire semblant auprès de vos collègues de détacher et de toucher des coupons de titres qui diminuait sans doute de plus en plus à chaque trimestre. » Comme la jeune femme restait muette, Gray posa une question précise. « Combien restait-il de titres dans le coffre le jour du meurtre ?» Elle bégaya l'aveu. « Il n'y avait plus rien. » Accablée, elle baissa le front. « Alors, avec quoi avez-vous couvert le 15 juillet dernier le prix de ces coupons sur les comptes de leurs propriétaires ?»« Avec l'argent que m'a remis M. Renard la veille du crime. »« Combien ?»« 40 000 francs. » Sans doute n'est-ce pas les 40 000 francs remis la veille par le caissier à M. Renard pour le prétendu compte d'un ami. Peut-être, mais en d'autres coupures, à cause du caissier, vous comprenez. L'inconscient de la jeune femme désarmait Gray. Il découvrait, ou plutôt acquérait la certitude que M. Renard s'était livré à de graves malversations dont cet employé s'était rendu l'indiscutable complice, et elle ne semblait pas s'apercevoir du danger pénal que cette complicité lui faisait courir. Elle gémissait, pleurnichait, sanglotait, mais visiblement bien plus sur les manœuvres de son patron que sur la collaboration délictueuse qu'elle lui avait apportée. « Je ne puis admettre, reprit Gray implacablement, que vous ayez prêté la main au délit de M. Renard sans aucune compensation. » Elle leva les yeux sur Gray et dut comprendre à son attitude qu'il ne la lâcherait pas sans connaître toute la vérité. Elle se décida à tout dire. « M. Renard avait fait appel au dévouement et à l'affection que je lui témoignais. Il m'avait confié qu'il était extrêmement malheureux, que sa vie privée était un enfer et qu'il ne souhaitait qu'une chose, refaire et finir son existence avec une femme telle que moi. Il me connaissait trop pour savoir qu'il ne pouvait être question entre nous que d'une union légitime. Lui-même promit que, dès qu'il aurait redressé sa situation et rompu des liens dont il était là, il me demanderait de devenir sa femme. » « Connaissez-vous la nature des liens qu'il devait rompre ?»« J'ai souvent pensé que M. Renard, depuis son veuvage, était le jouet d'une personne indigne de lui. J'ai eu la pudeur de ne jamais lui demander de détails à ce sujet. Il était d'ailleurs bien trop fier pour en donner à qui que ce soit. Mais bien souvent ici même, il se laissait aller à prononcer devant moi des phrases qui m'éclairaient sur le drame de sa vie privée. Lesquelles, par exemple ?»« Oh, je ne puis m'en souvenir exactement. » J'en ai toutefois peu à peu conclu qu'une femme était arrivée à lui faire commettre un acte auquel il s'était longuement refusé, que cette même femme l'entraînait à des dépenses excessives, qu'elle était la cause de tous les ennuis et de toutes les erreurs de M. Renard. Vous a-t-il jamais parlé du gardien de nuit Borgny ? Jamais. La jeune femme semblait vouloir recommencer une scène de larmes. Gray s'empressa de la renvoyer, se contentant de lui lancer ironiquement. Il est, mademoiselle, des espérances qui n'apportent que des déceptions amères. Heureux encore si certains actes n'entraînent pas de plus sévères punitions. Bonsoir. Puis Gray était resté seul dans le bureau jusqu'au retour de Poussin. L'inspecteur principal, quand il revint vers 5 heures, devait retrouver son collègue tranquillement assis et entouré d'un nuage de fumée. Une dizaine de bouts de cigarettes emplissaient un cendrier, mais Poussin était entré plus triomphant que jamais. Ça, Gray. Pourquoi diable m'avez-vous envoyé là-bas pour me faire découvrir toutes les preuves de la culpabilité de Borgny alors que vous entêtiez à vouloir me démontrer son innocence ? Gray ne put s'empêcher de regarder son collègue avec stupéfaction. Eh oui, continuait Poussin, vous avez cru être bien malin et votre imagination a bâti je ne sais quel roman. Mais vous ne savez pas tout. J'ai eu vite fait d'aller au fond des choses, moi, et savez-vous ce que j'ai appris ? Oui, dit Gray avec calme. Vous avez appris que M. Renard, dont l'aversion pour Borgny venait de la sympathie qu'il avait pour l'ex-femme de celui-ci, avait fini par contracter avec elle un mariage secret. Vous avez appris que la dame vivait dans le plus grand luxe, aux dépens de Renard, et qu'il y avait entre eux, depuis quelque temps, des scènes de ménage terribles qui s'étaient probablement, il y a 4 ou 5 jours, terminées par une rupture. Qu'en avez-vous donc conclu ? Ce que j'en ai conclu, mon petit, c'est que Borgny, qui en voulait déjà à Renard d'être cause de sa ruine, lui en avait encore voulu davantage d'avoir été sans doute celle de son divorce. Il n'avait dû à l'origine accepter cette situation subalterne à la banque que dans le but de se venger un jour de Renard. Entre-temps, il a dû apprendre que son ex-femme recevait de son nouveau mari des subsides importants. Borgny était fort misérable. Il a dû aller trouver son ancienne femme et pratiquer un chantage quelconque, à moins que celle-ci n'ait eu pitié de son ex-époux. Quoi qu'il en soit, Borgny n'a pas voulu tuer la poule aux œufs d'or, et il a remis l'heure de sa vengeance. Mais dès qu'il a appris la rupture et que le banquier se refusait à continuer de toujours payer, il a repris ses anciens projets et les a mis immédiatement à exécution. Il en a d'ailleurs profité pour récupérer directement par le vol de ce que l'autre ne voulait plus donner. « J'ai trouvé autre chose. » « Je me demande bien ce que ça peut être, » dit Poussin avec une tranquille condescendance. « Eh bien, j'ai d'abord trouvé 2 taches d'encre devant le coffre et qui avaient l'air d'avoir été faites exprès. Ensuite, j'ai appris que M. Renard devait être un praticien averti des mouvements d'horlogerie de précision. »« Oui, je sais, tout ça est sans importance. »« Attendez !» J'ai encore appris qu'il détestait Bornier et qu'il l'avait toujours détesté, d'abord sans doute parce qu'il avait été amoureux de Madame Bornier, ensuite parce qu'il rendait uniquement l'ex-mari responsable de tous les malheurs où les conséquences du divorce Bornier devaient l'amener un jour. Sans intérêt. J'ai appris mieux. Si le banquier n'était pas mort il y a 3 jours, il aurait été arrêté dans 4. Qu'est-ce que vous dites ? Son passif doit être considérable. Anémone était exigeante et il avait vendu depuis 1 an à son profit les titres qui devaient se trouver dans le coffre et qui ne lui appartenaient pas. Quoi ? Celui qui a dévalisé le coffre, aussi bien les actions que les 40 000 francs, c'est Renard lui-même, je peux le prouver. Poussin n'osait plus respirer, il sentait venir le coup de massue. Alors ? Murmura-t-il dans un souffle. Alors moi, qui ai moins d'imagination que vous, j'ai simplement conclu de tout cet ensemble de faits que M. Renard, ayant à la fois perdu fortune, honneur et illusion amoureuse, mais orgueilleux et désirant sauver la façade, peut-être dans la pensée de sa fille, peut-être plus bassement, dans le désir d'assouvir son injuste rancune contre Bornier, avait depuis quelque temps décidé de se tuer, en camouflant ce suicide en meurtre. « Sapristi ! » éclata de nouveau Poussin rassuré. « Êtes-vous fou ? Comment pouvait-il se tirer une balle dans le dos et qu'est devenue l'arme dont il s'est servi ?» Gray s'était doucement approché du mur qui se trouvait en face du coffre à 2 mètres environ. Sur ce mur, une bibliothèque se dressait. Un des rayons à hauteur d'homme soutenait une 30aine de livres de la taille de gros dictionnaires et reliés à l'ancienne en cuir sombre. Le dos des livres comprenait de haut en bas des liserés d'or encadrant une assez large pastille noire à raison de 6 motifs semblables par volume. Gray retira des volumes puis, passant sa main dans l'espace vide, fit jouer quelques ressorts. Aussitôt le dos des 6 volumes se rabattirent à la fois sur le rayon inférieur, découvrant une sorte de boîte évidée d'environ 35 centimètres de large. On y apercevait un ensemble de roues dentelées et de tiges dont l'une aboutissait à une gâchette de Browning solidement assujettie. Remarquez, dit Gray, que l'embouchure de l'arme donne exactement sur un des petits ronds noirs tracés sur le dos des livres. Si vous ne voyez pas que ce rond est perforé, c'est qu'il se confond en sombre avec la nuance des autres. Bornier aurait très bien pu être guillotiné avant qu'on ait découvert ce dispositif. Quant aux taches d'encre, c'est le repère exactement calculé où Renard devait mettre la pointe de ses chaussures pour que la trajectoire de la balle lui traversât le cœur. « C'est diabolique, diabolique !» répétait Poussin, hébété. « Ça demande tout de même un certain cran !» admirait Gray. « Ce qu'il y a de diabolique, » maugréa Poussin, « c'est que vous ayez eu l'idée de chercher ça. » C'était Le Gardien de Nuit, une enquête de l'inspecteur Gray par Alfred Gragnon.